Je m'appelle Mathias et pour avoir l'air cool, je veux faire un groupe de rock. Guitare, héros, leader, crooner, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Tu vas Je suis Lucille, sa grande groupie. Mathias, c'est l'homme de ma vie. Je m'appelle Mathias, monter un groupe de rock, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Quatre musiciens à trouver, pas plus pour compléter le plus grand groupe de la planète. Personne ne croit plus en moi, mais je fais tout pour devenir le roi. Séance de coloration, en cherchant le nom du plus grand groupe de la planète. Bien, quel pari de fou, mais j'y arriverai. Oh, quel pari de fou, mais j'y arriverai. Je m'appelle Mathias et pour avoir des fans, je veux être un beatomane. Charismatique, musclé, winner, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis Chimouche, beatochef, pourtant rôlé. Faudrait me payer. Et moi, plus toi, et puis chevelu, je vais te mettre des coups de pied au cul. Je m'appelle Mathias, devenir un mytho, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Passer son temps à courir, au risque de périr, tel est le destin des mythomes. On dit que je suis charmé, mais je fais tout pour être enrôlé. Avec la transmutation, au loin à l'horizon, l'espoir d'être enfin un bitôme. Bitôme, quel pari de fou, mais j'y arriverai. Oh, quel pari de fou, mais j'y arriverai. Oh, quel pari de fou, quel pari de fou, mais j'y arriverai. Oh, quel pari de fou, wow, wow, wow. Mais j'y arriverai. Hey, hey, hey. Oh, quel pari de fou, mais j'y arriverai. Oh, quel pari de fou, mais j'y arriverai. Oh, quel pari de fou, mais j'y arriverai. Oh, quel pari de fou, mais j'y arriverai.